Le vendredi, dès 21h à 23h, c'est avec votre animateur Gilou que ça se passe. Toutes les perles rares côté musical, c'est sur Allo Kazik. Alors, on se donne rendez-vous sur Allo Kazik le vendredi dès 21h. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Allo Kazik, bonsoir aux animateurs également, et oui, c'est Gilou avec vous de 21h à 23h. Après avoir passé d'excellentes fêtes de Noël, me voilà de retour. Alors avant de commencer ce direct, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année et surtout une très très bonne santé et plein de bonnes choses pour 2019. Alors, juste après mon direct, à partir de 23h, une nouvelle émission Back to the 80s présentée par Jérémy. Alors ce soir, focus sur une année de la décennie 80, 1989, c'était il y a 30 ans. Alors que s'est-il passé en 1989 ? Côté actualité, il y a eu les manifestations sur la place Tiananmen à Pékin, ou à Hong Kong, je ne sais plus où elle se trouve. Puis aussi, le 11 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Et oui. Côté musique, c'est Patrick Bruel qui sort l'album. Alors regarde, cet album qui va le hisser au sommet de sa gloire et qui va aussi donner lieu à ce fameux phénomène intitulé Bruel Mania. Et sans plus tarder, on va commencer par une nouveauté, je dirais une nouveauté, c'est sorti en 2018. Le groupe Culture Club, le groupe a sorti un album en 2018 qui s'appelle Life, un fameux groupe emblématique des années 80 qui est de retour. Et je vous propose justement d'écouter Life, une superbe chanson de Culture Club et de son chanteur charismatique Boy George. Bonne écoute à tous, Gilou avec vous jusqu'à 23h. Allo Kazik et ses partenaires France Hébergement, webconstructeur.fr, Etaprint et allocas.com vous souhaitent une très bonne écoute. New hits now. There's a train at the station that's ready to leave, and a perfect future just made for me. I'd have this stranger walk into my life, stepped out of the darkness back into the light. I know I'm crazy, but just a little sane. I get to take this ride again. You give me hope when I wake up to lift my head high and take laughter. In the madness, you give me hope, and you give me life. Will you let me breathe now, while I find my truth? If I love myself, don't mean I don't love you. All of my chances are in my hand. Stepped out of the darkness, found out who I am. I know I'm crazy, but just a little sane. I get to take this ride again. You give me hope when I wake up to lift my head high and take what's mine. We look for laughter in the madness. You give me hope, and you give me life. I don't know who I am when I'm lost in you. When I'm under the water, when I'm under the water, I look to you. You know I do. I look to you, and the water has gone. You give me hope when I wake. For laughter in the madness, you give me hope, and you give me life. Et voici Adele avec Hello. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.

Et voici John Maman avec Kika, ça s'appelle Love Life. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie. Love life, love life, it's you and I. Love life. Si un chagrin casse ta voix, perdu sur les chemins, tends une main vers moi. I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tout comme un défi, tu te lèves. Et on enchaîne avec Mika et avec la participation de Pharrell Williams, Celebrate. To the only place I know where the trees I planted grow. I wanna come home. Once I get up, I feel better and I pull myself together. I remember those two letters, people be okay. Everyone says now or never. I say only if it's better. Being out like this forever. Celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up. Stand up. Stand up. And have fun. Fun. 'Cause we just begun. I want the whole world to celebrate. Let's go. Once again, I feel better. And I pull myself together. Letters, it will be okay. Everyone says now or never. I say only if it's better. Being out like this forever. I wanna come home. Et voici Isabelle Boulay, je t'oublierai, écrit par Luc Plamondon et Richard Cotiente, qui à l'époque était en plein boom, enfin connaissait un énorme succès avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne, bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Tout autour de moi se souviennent de toi. Je t'oublierai, je t'oublierai. Que mes pieds se souviennent du sable où tu marchais. Que ta voix me revienne dans un supermarché. Que la télévision me renvoie ton regard. Qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souviennent de toi. Je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil se souviendraient de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour avec la nuit. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. plus pareil après t'avoir aimé. Je ne reconnais pas les lieux où l'on allait. Tes yeux ont mis le feu à mes rêves, mes envies. Et tu as détourné la ligne de ma vie. Autour de moi se souviennent de toi. Je t'oublierai. Tout autour de moi se souviennent de toi. Je t'oublierai. Tout autour de moi. Et voici David Hallyday en 1990 avec Tears of the Earth. David Hallyday qui depuis le 7 décembre dernier a sorti son nouvel album intitulé J'ai quelque chose à vous dire. A gentle mama sing a lullaby for your child cries. Rock him in the cradle and tell him lies. For soon enough the danger will call. The front lines. Let him revel in his innocence and peaceful dreams, where everything's as beautiful as it seems. His future is a field of flowers. Mountains, fury, to the raging wind, to the ocean, weary of the poison. change your mind. Take a chance on the first thing. Et voici le groupe ABBA, Take a Chance on Me, juste après Focus sur l'année 1989. If you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown and the arms still free, take a chance on me. On a retrouvé Philo M30 et il est sur Allocasie. Et nous voici en 1989. Cette année-là, le Québec, la belle province, nous envoie sa nouvelle recrue, rock voisine, Hélène. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Dans les

fois. C'est ce soir. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir. J'ai pas envie de rentrer chez moi. C'est ce soir. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir. J'ai envie de me casser. Et voici le groupe Texas qui en 1989 nous arrive tout droit d'Écosse. Voici I Don't Want the Lover. Time to recover. Trois ans après l'immense succès de l'album True Blue, Madonna sort son nouvel album intitulé Like a Prayer, qui était aussi le titre de 45 tours de son premier 45 tours extrait de cet album. Voici Like a Prayer de Madonna. Here with me, it's like a dream. Let- En 1986, Christophe Després du groupe Image crée avec son frère Stéphane le groupe Alix. Trois ans après, avec la chanteuse Cathy Lajoux, il crée le groupe Pacifique. Tous les trois sont originaires de Toulouse. Voici « Quand tu sers mon corps ». En 1988, c'est Bonnie Tyler qui enregistre en premier cette chanson. Voici maintenant la version de la mamie du rock, Tina Turner, The Best. le partenaire de Kylie Minogue dans une série australienne intitulée Neighbours. Puis il avait chanté avec elle Especially for You. Voici Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, produit par le trio Stock Aitken Waterman. De l'année 1989, Ivanov avec Les Nuits sans Soleil. Tu sais. En 1989, Johnny Hallyday chante sa première chanson que lui a offert son fils David. Voici Mirador. Dans le quartier des fous, les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Où est la liberté? Faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. Et la liberté, faut la rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Y a des prisons à ciel ouvert partout. Y a pas d'école pour apprendre à aimer. Y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, enterre nos corps sous le mirador. La liberté, faut la rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. Sûr qu'on a des doutes et des problèmes. Du fond du trou, on ne peut plus dire je t'aime. La chance ici s'appelle plus la veine. La veine ici c'est bien fini. Le cœur se bat sans bruit. C'est pas le Pérou, mais faut rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. Oui, la liberté, on l'a payé. Quand on enterre nos corps sous le mirador. Sous le mirador. Sous le mirador. C'est aussi le grand retour d'une des reines du disco, Donna Summer, produite par Stock Aitken et Waterman cette année-là. Voici This Time I Know It's For Real. We'll be right back. tranquillement. Vous aimez la musique? Vous avez toujours voulu faire de la radio sans jamais sauter le pas? Rejoignez maintenant l'équipe bénévole de Radio Allocasie. Radio Allocasie. Postulez à news.animateur@gmail.com. Radio Allocasic recherche également des partenaires et sponsors pour ses futurs projets. Contactez-nous à allocasic.com. N'hésitez pas, si l'aventure vous tente, rejoignez-nous sur Radio Allocasic. Voici les Bengals, Eternal Flame. Énorme succès en 1989 pour Phil Collins, Another Day in Paradise. there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another. C'est Carole Fredericks qui, à l'origine, devait enregistrer cette chanson avec François Feldman, mais cette dernière, étant occupée avec le projet de trio Fredericks Goldman Jones avec Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, ce sera une de ses amies choristes, Janice Jamieson, qui enregistrera finalement Joue pas avec François Feldman. Éclater de rire, rêver dans tes bras. Ancien joueur de la AS Saint-Étienne, Jean-Pierre François fait ses débuts dans la chanson en 1989 avec ce titre écrit et composé par Didier Barbelivien, « Je te survivrai ». Après l'aventure Bronski Beat et les Communards, Jimmy Somerville se lance dans une carrière solo en 1989. Le voici en compagnie de John Miles Kingston avec cette reprise de Françoise Hardy, Comment te dire adieu. We'll be right back. l'association allocasic.com et la radio. Allocasic et tous ses partenaires vous souhaitent une très bonne et heureuse nouvelle année 2019. Et on continue avec Simple Minds, Mandela Day. What's the first line again? Help. Oh yeah. En 1989, le trio Bananarama reprend Help des Beatles. That's it, I'm leaving. That's in the can, Pete! It's in the can! It's in the can! It's a wrap! Shut up, kid. Et voici l'avant-dernière chanson de cette soirée, Roxette avec The Look. Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do for you. Look. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Look. Termine cette émission avec Michel Polnareff qui en 1989 faisait son grand retour avec un album intitulé Kama Sutra et cette chanson Goodbye Marilou. Avec cette chanson, Michel Polnareff justement était en avance sur son temps puisque c'était un petit peu l'ancêtre d'Internet. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle m'électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. En s'approchant multi et je la tire en duo. Après ok, elle me code ma vélo. Son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts. Message reçu, ok, code Marilou. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Voilà, donc voilà, c'était un petit retour sur l'année 1989. C'était il y a 30 ans, voilà. Alors dans quelques instants, vous allez retrouver Jérémy avec son émission Back to the 80s. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros gros bisous. Bye bye à tous, à vendredi prochain. Quand la nuit se lève et couche avec le jour, la lumière vient du clavier, ma plus lourde. Je m'envoie son pseudo, mais c'est elle qui me reçoit. Jusqu'au petit jour, on se dit tout de nous.